troops and equipment in civilian areas to use innocent men, women, and children as shields for his own military. A final atrocity against this people. I want Americans and all the world to know that Conan. Dans la bouche de Monsieur Bush. Langue fourchue, langue farouche. Pour une idole de pétrole, l'Amérique est devenue folle. Route poudreuse vers l'enfer, décapotable en plein désert. Rouillé dans ta main de fer, tes dieux rencontrent la colère. État de guerre, tombeaux ouverts, ça chie des bombes sur la misère. État de guerre, tombeaux ouverts, ça chie des bombes sur la misère. America, America, la liberté te tourne le dos. Elle regarde vers les flots. T'en as fait peut-être. Tes dollars pissent sur la douleur de tous ces pays de poussière où pousseront-ce du malheur, où tout ce qui naît meurt de peur. Ton évangile d'empereur creuse ta tombe avec ses bombes. Ton évangile d'empereur creuse ta tombe avec ses bombes. We come to Iraq. Saddam Hussein has placed Iraqi troops and equipment in civilian areas, attempting to use innocent men. Tu croques, je craques, et puis tu croules. En voulant contrôler la boule, pénis de béton qui s'écroule par oiseau d'acier en cacoule. Yankee qui crie, Yankee qui pleure, venu de temps du bras vengeur. Les héritiers de la terreur ne connaîtront plus que la peur. Yankee qui crie, Yankee qui pleure, ça ne se passe plus ailleurs. Yankee qui crie, Yankee qui pleure, ça ne se passe plus ailleurs.